On va parler des Saguenay de Chicoutimi. Belle nouvelle pour un joueur de la Duo du Lac, Fabrice Fortin, qui a été confirmé au cours des derniers jours comme membre des Saguenay de Chicoutimi. Question un peu de savoir comment il se sent. On lui parle. Salut Fabrice. Bonjour. Fabrice, d'abord, félicitations pour ta nomination ou encore le fait que tu as été confirmé avec les Saguenay de Chicoutimi. Est-ce que tu t'attendais vraiment, vraiment à ça? Est-ce que c'était vraiment dans les objectifs de te tailler une place cette année avec les Sacs? Ben, c'est sûr qu'il y a un objectif à long terme, c'est mon objectif de partir l'alignement des Saguenayens, mais depuis que j'ai été repêché, c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour j'aimerais ça jouer où je suis repêché. Puis écoute, je me suis entraîné fort, j'ai travaillé fort, puis je suis arrivé prêt à mon camp, puis les belles choses sont arrivées. OK. Est-ce que tu as parlé de ton rôle que tu allais faire avec les Saguenay au départ? Mon rôle, ben, il ne m'en a pas vraiment parlé, mais tu sais, je sais que il y a une très bonne équipe encore cette année. Puis moi, j'ai 17 ans, puis je suis là pour me développer cette année puis les années à suivre aussi. Fait que moi, je vais prendre le rôle qu'ils vont me donner, puis je suis là pour m'améliorer, puis je vais travailler fort, puis peu importe mon rôle. Je pense que tu es un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Hein. Si tu décrivais comme joueur, c'est à peu près ça, hein? Oui, ben, tu sais, je suis capable de marquer des buts, faire des belles passes, puis tu sais, aussi en zone défensive, je suis capable de bloquer des lancers, puis me sacrifier aussi pour mon équipe. Quand tu as dit que tu as travaillé fort ton entraînement, donc j'imagine que tu as travaillé fort cet été à avoir de la musculation, quoi? Ouais, ben, c'est sûr que la saison dernière a fini abruptement, mais tu sais, je ne peux pas me concentrer sur mon prochain camp d'entraînement, là, la terre n'arrête pas de tourner. Fait que je me suis entraîné, tu sais, j'ai eu comme plus de temps pour m'entraîner que les étés précédents, vu que, bon, j'avais plus d'école, j'avais plus d'hockey, etc. Donc, je me suis entraîné à partir du, on a fini en mars, environ à partir de milieu avril jusqu'à la toute dernière semaine d'août. Donc, ça l'a aidé pas mal. Ça. Évidemment, ça l'a aidé beaucoup. Fabrice, si on parlait un peu du camp d'entraînement, tu as eu un bon camp d'entraînement. Ça doit être un peu spécial. En cas de COVID, tes parents peuvent pas venir te voir au match, ils peuvent pas te suivre comme tel. Les mesures sanitaires et ainsi de suite. Parle-moi un peu de ça. Ben, c'est sûr que les Saguenayens prenaient vraiment ça au sérieux. Écoute, on était traités comme des pros aussi. Là, on avait chacun de notre lave-visière. Après ça, on avait du désinfectant sur chacune des places. Le 2 mètres devait être respecté ainsi que le port du masque. Ouais. C'est sûr que c'est un camp d'entraînement un peu spécial pour ça. Mais écoute, moi, je t'arrivais prêt. Puis dans ma tête, j'avais rien qu'un objectif. Puis c'était faire les Saguenayens de Chicoutimi pour mes 17 ans. Puis c'est ça. Je suis arrivé là. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai travaillé ultra fort. Puis. C'est ça. Ben Fabrice, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, c'est une belle surprise pour les gens de Saint-Félicien. Malheureusement, on va te suivre par le web parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est pas possible d'aller au match des Sacs. Mais au plaisir de se parler, ouais, on va te connaître une belle saison avec les Saguenayens. Merci beaucoup. Fabrice Fortin de Saint-Félicien qui va s'aligner avec les Saguenayens cette année.